à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt dehors qu'un tôt, dedans, agneau de Dieu, je viens. Ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens.